Ouvre les yeux, regarde autour de toi, car ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, yeah. Ne vois-tu pas, ou préfères-tu ne rien voir? Moi j'aurais préféré que le monde soit moins dérisoire et que chaque soir, aucun être humain ne meure de faim. On peut y croire enfin, on verra bien demain. Ne vois-tu pas, que jour après jour c'est la même, même si je n'ai jamais été le seul qui la ramène. Y'a trop de haine dans cet univers qui nous porte. Ne vois-tu pas que l'on devrait choisir la même porte? Ne vois-tu pas, le monde entier se tournait vers l'argent et que plus rien à part ça n'arrive à faire sourire les gens. Ne vois-tu pas, le sang de nos frères couler, mais rien ne changera, tu sais. On finira tous par s'entretuer. Ne vois-tu pas qu'on trouve les problèmes et pas les solutions, qu'on attend le mal sans jamais chercher leur raison. Ne vois-tu pas que personne n'arrive à vivre ensemble, que la terre est si belle mais qu'on la transforme en centre. Ne vois-tu pas, au lieu de garder les yeux fermés, c'est du chacun pour soi et je peux l'affirmer. Et moi je rappe ce qu'on voit, tout ce que personne ne veut entendre. J'essaie seulement de vous faire réfléchir et de vous faire comprendre. Ne vois-tu pas que tu ne fais pas ce qui te plaît, que ta vie n'est peut-être pas celle dont t'as pu rêver. Ne vois-tu pas que tu te sens concerné, car tu sais que même des innocents fêteront Noël enfermés. Ne vois-tu pas, ou préfères-tu ne rien voir? Moi j'aurais préféré que le monde soit moins dérisoire et que chaque soir, aucun être humain ne meure de faim. On peut y croire enfin, on verra bien demain. Ne vois-tu pas, que jour après jour c'est la même, même si je n'ai jamais été le seul qui la ramène. Y'a trop de haine dans cet univers qui nous porte. Ne vois-tu pas que l'on devrait choisir la même porte? Ne vois-tu pas qu'on devrait faire quelque chose, que des gens meurent et qu'on leur dépose des roses pour que nos vies soient roses? Et moi j'expose des proses, à vrai dire c'est pas grand chose, mais c'est pour une cause. Même si mon discours n'est pas grandiose, ne vois-tu pas tant de personnes qui n'ont plus rien? N'as-tu jamais vu des gens te tendre leurs mains? Ne vois-tu pas l'avenir d'un monde négatif, parce que dans les médias il n'y a jamais rien de positif? Ne vois-tu pas que la jeunesse est dépressive, elle voudrait changer les choses car elle n'est pas indécise ni excessive. Elle voudrait juste se faire entendre parce qu'elle a compris que des gens étaient capables de se pendre. Ne vois-tu pas que la réalité fait mal et qu'on préfère fermer les yeux plutôt que de voir son résultat? Ne vois-tu pas que la vie c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, sans jamais chercher les raisons? Ne vois-tu pas, ou préfères-tu ne rien voir? Moi j'aurais préféré que le monde soit moins dérisoire et que chaque soir, aucun être humain ne meure de faim. On peut y croire enfin, on verra bien demain. Ne vois-tu pas que jour après jour c'est la même, même si je n'ai jamais été le seul qui la ramène. Y'a trop de haine dans cet univers qui nous porte. Ne vois-tu pas que l'on devrait choisir la même porte? Ne vois-tu pas, ou préfères-tu ne rien voir? Moi j'aurais préféré que le monde soit moins dérisoire et que chaque soir, aucun être humain ne meure de faim. On peut y croire enfin, on verra bien demain. Ne vois-tu pas que jour après jour c'est la même, même si je n'ai jamais été le seul qui la ramène. Y'a trop de haine dans cet univers qui nous porte. Ne vois-tu pas que l'on devrait choisir la même porte? Ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, ne vois-tu pas, oh yeah, ne vois-tu pas, ouais, Fakir, yeah. I'm not a record. Ne vois-tu pas.